Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 315e épisode de notre podcast, un épisode pour lequel je serai en binôme avec Boris. Bonjour à tous. Alors, on a quelques chroniques au programme, des reviews VO principalement. On n'a pas de VF du tout cette semaine. Enfin, cette semaine, ce mois-ci, on va dire. Mais on va quand même dire deux mots de petites choses en VF, puisqu'on a, quelques news plus ou moins fraîches, on va pas se mentir, mais on a quelques petites actus quand même sur lesquelles on voulait réagir. Donc, je vais te laisser commencer. Ouais, alors en VF, juste des news. Alors, j'ai eu des lectures VF, mais j'ai tout chroniqué par écrit, donc je vais pas me répéter, hein. Mais j'ai lu pas mal de trucs quand même sur le site. Vous pouvez trouver des articles sur quelques belles sorties de l'été. En ce qui concerne les news, une pas très récente quand même, hein, il faut quand même être honnête, mais c'est quelque chose qui nous intéresse et qui nous a marqué. C'est le retour des Power Rangers en France, enfin en VF en tout cas. Donc ça avait été arrêté par Glénat, faute de vente, au bout de 4 tomes je crois. Ouais, c'est ça. Hein. Donc c'est Vestron qui reprend la franchise et qui a redémarré début juillet avec un premier tome one-shot, Soul of the Dragon, que j'ai chroniqué. Tome correct, pas transcendant mais sympathique. Et va enchaîner d'abord avec la fin de ce qu'avait proposé Glénat. Pour, en guise de tome 0, on va dire, pour remettre un peu à jour les lecteurs qui voudraient se lancer. Quelques one-shots en parallèle, et puis ensuite ils vont reprendre la nouvelle série de Ryan Parrott. C'est pas la nouvelle série, les nouvelles séries, puisqu'il y a deux séries en parallèle. Hein. Oui. Donc ils vont faire pareil en VF, ils vont alterner un tome de chaque. Alors ce sera des tomes de 4 épisodes, donc des petits tomes. Alors bon, chez Vestron, c'est un format souple, plutôt petit, un poil cher quand même, je trouve, pour le contenu proposé. Donc bon, mais ils ont dit qu'ils allaient baisser un peu leur prix, donc bon, peut-être que ça va devenir un peu plus rentable. Mais bon, moi je suis quand même intéressé parce qu'en plus là, j'avais pris les tomes Glénat et puis j'avais continué un peu en VO. C'est vrai que c'était une bonne franchise. C'était bien. D'abord c'était Kyle Higgins et après Ryan Parrott, ça tenait bien la route quand même. Un petit peu à l'instar des Tortues Ninja chez iComics, quoi. C'est un peu un petit peu en dessous quand même en termes de qualité, mais c'est un peu le même esprit, un peu de super-héros et une bonne construction de l'univers. Et puis, je crois que tu as lu ou que tu suis les deux séries récentes. Là. Je les ai commencées en tout cas. J'ai dû lire l'équivalent du premier tome de chaque série, puisque même en VO, hein, c'est des TP de 4 épisodes, hein, donc ils reprennent vraiment le format. Oui, oui. C'est un bon démarrage, hein. C'est sympa ce que fait Ryan Parrott avec les deux séries, qui sont liées tout en évoluant chacune de leur côté. Du coup, si on veut ne suivre qu'une série, on peut. Mais il y a quand même un petit lien, donc c'est assez bien ce qu'il fait, franchement. Ouais, c'est ce que j'avais compris, donc moi je vais me lancer et j'espère que ça va marcher. Donc là, il prévoit deux tomes de chaque série, donc ça fera 8 épisodes pour chaque d'ici juillet 2022, plus deux one-shots que je ne connais pas. Les one-shots, je ne sais pas si j'irai, je verrai un petit peu, peut-être attendre quelques retours. Mais les séries régulières, ça, je suis partant. Dans les one-shots, il y a peut-être Unlimited. Je ne sais pas si tu. Alors là, si en France, là, ce qu'ils proposent, ça s'appelle The Psychopath, ouais. Et Ranger Slayer Dracon New Dawn. New Dawn, c'était juste avant le démarrage des nouvelles séries. Ouais, bah ça va sortir en décembre, ouais, juste avant le premier tome de chaque. Donc bon, à voir. Chacun prendra un petit peu ce qu'il veut, mais voilà. C'est bien que ça revienne, en tout cas. Voilà, c'est bien, parce que c'était vraiment dommage que ça s'arrête. Comme beaucoup de séries Glénat, malheureusement. Alors, peut-être pas toujours pour les mêmes raisons. Mais bon, ils ont laissé un petit peu en rade quelques séries, quand même. Voilà pour la première news. Après, c'est les annonces que vous avez peut-être vu passer à droite à gauche, mais voilà, qui vont être à suivre cet automne. D'abord, l'officialisation, puisqu'on en avait déjà parlé de façon un peu off, de Seven Secrets, traduit par les 7 secrets en français, chez Delcourt au mois de novembre. Donc, on en parle beaucoup, hein, quand même sur le site, aussi bien l'oral qu'à l'écrit. Donc, je pense que vous avez compris qu'on aime beaucoup cette série et que ça vaut franchement le coup d'œil. Et puis, deuxième éditeur qui sort des titres que j'attendais beaucoup et qui un éditeur que j'aime bien, c'est Delirium. Donc le tome 3 de Next Men, donc les X-Men, on va dire, de John Byrne, fin des années 80, début des années 90. Donc j'ai déjà parlé des tomes 1 et 2 qui sont très bons. Et puis une intégrale Erin Creepy par Richard Corben. Alors c'est une réédition, mais là sous forme d'intégrale, les deux tomes réunis, puisque c'était sorti sous forme de deux tomes, le premier étant épuisé. Donc plutôt que de ressortir que le 1, ils ressortent une intégrale. Bon, pourquoi pas, moi j'avais chopé le 1 et... Ah non, pardon, j'avais pris le 1 et pas le 2, enfin je sais plus. Il y en a un des deux qui est épuisé, voilà, j'ai un petit trou sur le numéro. Mais a priori ça reviendra pas en format simple, c'est en intégrale. Et là, moi ce que j'ai lu dans le volume que j'ai, c'est du tout bon. Si on aime Richard Corben, c'est à prendre. Voilà pour les petites annonces. Alors après, il y a beaucoup de choses cet automne. Si j'ai le temps, je ferai un petit article pour faire un petit focus sur ce qu'il ne faut pas rater. Si j'ai le temps. Donc, il n'y a pas de garantie. Clairement. Personne mais pas ne mal, t'en voudra. C'est vrai, c'est gentil. Mais il y a clairement cet automne en VF, il va y avoir quand même beaucoup de choses intéressantes. Voilà pour les petites news des VF. Et puis du coup, on va attaquer la partie VO et puis on va commencer par les news VO. Comme ça, on aura traité toute l'actu qui nous paraissait importante, notamment ce gros morceau. Voilà, le fameux Substack. Ouais. Dont tout le monde a plus ou moins entendu parler, mais voilà, chaque créateur, scénariste, dessinateur a sorti son petit Substack. Donc, on va dire, enfin, c'est une plateforme, si j'ai bien compris, qui proposait la production de newsletters pour des artistes, et qui là, leur a proposé, pour une somme assez intéressante, je crois. Oui, assez confortable, oui. Hein, ouais, voilà, ça leur permet de tenir pendant plusieurs mois. Ouais. Plus, tu veux dire, c'est ça? Ouais, des années, ouais, je pense. Ouais, je crois, j'ai cru comprendre que c'était un gros chèque. Hein. Oui, c'est des gros chèques pour certains artistes. Ouais, on parle de montants à 5 chiffres, donc, voire plus, 6 ouais. chiffres même pour certains. Donc, Oui, d'accord. En échange de quoi, pour un abonnement à 7€ par mois, si j'ai bien compris. Oui. L'artiste s'engage à produire donc une newsletter un peu étoffée quand même, des contenus, si c'est des dessinateurs, voilà, de la façon dont ils travaillent, etc. Et puis, a priori, au moins une série par mois. Après, bon, quelle garantie? Alors, moi, tout de suite, quand j'ai vu l'info, moi, je ne suis pas du tout un lecteur numérique, donc... Même si ça va par la suite, à terme, sortir aussi chez des éditeurs sous format papier, pendant de longs mois, ça va ne sortir qu'en numérique. Donc, moi, je ne suis pas client du tout. Donc, ça ne me passionne pas forcément. Et après, je ne sais pas trop quelle garantie a la personne qui s'abonne d'avoir son épisode par mois. Quoi. On va dire chez un éditeur, bon, l'éditeur, il y a un responsable, etc. Ils mettent un peu la pression, peut-être, sans doute, pour avoir leur épisode par mois. Là, le gars ou la fille est responsable de ce qu'il va produire, hein, donc je ne sais pas comment ça va se passer. La pression, elle est financière déjà. Tu ne remplis pas ton engagement, tu perds des abonnés, tu perds de l'argent. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai que c'est un abonnement que tu peux résilier à tout moment, j'imagine. Voilà. Donc si effectivement, pendant... Le premier exemple qui me vient en tête, c'est un des premiers qui a dévoilé rejoindre la plateforme Substack, c'est James Tynion IV. Qui du coup a annoncé qu'il allait produire plusieurs séries, donc dont une avec Michael Avonoming, qui sera proposée du coup en exclusivité sur cette plateforme avant de pouvoir partir sur du papier potentiellement. Il y a trois autres séries, je crois qu'il a annoncé quatre séries en tout sur son Substack, plus des newsletters, etc., du contenu sur sa façon de travailler, tu le disais, etc. Si Tynion IV, un mois, va sauter une de ses séries ou deux, faute de temps ou pour je ne sais quelle raison, bon. Mais si pendant 2 mois, il y a du contenu qui n'est pas produit, les gens se désabonnent, et ben, voilà. Oui, effectivement. Oui. Après, je ne sais pas quelle est la part de personnes qui lient en numérique, qui est prêt à payer comme ça. Bon, je ne sais pas, moi je suis un vieux de la vieille, j'aime bien mon petit épisode papier. Donc, moi, ça me parle pas trop, même si ça sort après en TP chez un éditeur et que la série m'intéresse, j'irai prendre ce TP. Mais au mensuel, on va dire, bon, moi, je serais pas client. Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu quand même des grands noms, notamment de l'indé, qui sont allés. Hein. Il y a Jeff Lemire qui a annoncé aussi sa prochaine série sous ce format-là. Je sais plus trop, mais enfin, il y a beaucoup de... Ouais, Jonathan Hickman aussi, oui, c'est vrai. Je crois... Chips Darsky, enfin ils sont beaucoup, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de grands noms. Après, le deal prévoit qu'effectivement, les artistes, les créateurs restent propriétaires de leur œuvre et sont tout à fait libres d'en faire ce qu'ils veulent, que ce soit pour une adaptation ou pour une publication papier ultérieure. Donc il est évident que des gens comme Tyon Force, Darsky, Hickman et compagnie n'auront aucun mal à faire publier en papier leur projet. Ouais, oui. Surtout qu'ils en restent propriétaires. Bon, on verra ce que ça va donner. On va suivre un peu ça de près. Mais après, je ne sais pas s'ils vont continuer en parallèle à produire de façon plus traditionnelle, on va dire chez Image, par exemple. Ou... Je ne sais pas. Ils vont peut-être faire un peu un mix des deux, mais bon, va falloir aussi tenir la cadence. Donc bon, on verra bien. Quelques petites annonces rapides, parce que certaines, je ne suis plus DC, ou comme vous le savez, ou Marvel très peu. L'arrêt du Daredevil de Chip Zdarsky au 36, donc on en approche tout doucement, puisque là le 34 va sortir. Donc l'arrêt de la série, mais a priori il va y avoir une certaine continuité, puisque Marvel a annoncé tout un tas de... Je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas des events, mais un peu des grandes pistes où Daredevil va avoir une certaine importance. Donc le type de sortie qui moi me fatigue un petit peu chez Marvel, quoi, les gros trucs, on va dire, pour résumer de façon un peu triviale. Voilà, moi j'aime bien mes séries avec la continuité, un scénariste qui tient son truc. Là, j'ai un peu peur que ça parte un petit peu n'importe comment. Mais bon, la série régulière, elle s'arrête au 36. Ça, c'est pour Marvel, Daredevil. Et puis de l'autre côté, Batman, que j'ai abandonné au numéro 101, je crois. Mm-hmm. Ou 100. Que toi, tu suis peut-être encore En décousu. Comme voilà. Le scénariste, quoi. Il écrit en décousu, donc tu suis en décousu, c'est ça? J'attends d'en avoir plusieurs d'avance pour lire d'un coup, parce que comme ça, s'il y en a un qui est moins bon, du coup, tu as peut-être plus de chances d'avoir des choses sympas. Mais le nom du repreneur derrière Tynion IV, moi, me fait rêver. Oui, donc c'est Joshua Williamson. Et j'avoue que ça me ferait presque retenter l'aventure, mais bon, je ne sais pas trop. Je vais peut-être attendre un peu, voir ce que ça donne. J'ai quand même décroché depuis longtemps et je sais qu'en suivant de loin que Williamson est assez féru de continuité d'univers partagé. Donc c'est vrai que s'il introduit pas mal de trucs comme ça et que j'ai rien suivi, ouais. Peut-être qu'il fera ça, il va redémarrer avec pour les petits nouveaux comme moi. Tu vois, genre sur Flash, dans son grand run sur Flash, il n'y a aucun moment où tu as pu te sentir paumé, même si tu n'étais pas familier avec la grande histoire des Flash. Il réussissait quand même toujours à bien t'expliquer, à te remettre dans le contexte. Bah, à voir. Enfin, quand même, bonne nouvelle pour la franchise, hein, parce que on peut dire que le passage de Tynion IV n'a pas rencontré un gros succès. Peut-être pas en termes de vente, je suis pas, mais les séries se vendent peut-être beaucoup. Je sais pas, puis depuis que DC est sorti du giron de Diamond, c'est très compliqué d'avoir des chiffres. Ouais, d'accord. Mais en termes qualitatifs, je pense que beaucoup de gens sont assez déçus. Hein, donc, Oui. Voilà, ça va donner un petit coup de fouet, on espère que ça va redémarrer. Et puis j'avais noté, mais j'en ai déjà parlé à travers des interviews, une nouvelle série de Simon Spurrier avec Nathan Gooden, Rush. Donc ça va être la ruée vers l'or aux États-Unis à façon Simon Spurrier. Donc les premiers visuels sont franchement sympas. Le dessinateur que j'ai interviewé est franchement très motivé et très excité à l'idée de travailler sur cette série. Alors Simon Spurrier en VO, c'est pas toujours facile, voire même rarement. Donc bon, on va tenter, puis on verra bien. Si c'est trop compliqué, on croisera les doigts pour avoir une petite sortie VF à un moment ou à un autre. Mais voilà, une des séries VO assez excitante pour cet automne. Ouais. Voilà pour les news. Alors on va commencer une petite review, et du coup, allez, je vais te laisser respirer, je vais commencer. Si tu veux, je te laisse la place. Je vais commencer avec mon chouchou Nightwing, qui en est au numéro 83. Ça fait du coup la fin du premier arc de Tom Taylor et Bruno Redondo, qui ont repris la série au 78. Donc on en est à la sixième et dernière partie du premier arc de cette série, de ce run plutôt. Et ma foi, on aura eu un premier arc ultra solide dans tous les sens du terme, que ce soit au scénario de Taylor ou alors les dessins de Redondo. J'adore le style de ce gars-là. Et ça rend vraiment super bien sur Nightwing. Il est vraiment un bon artiste. C'est un arc qui introduisait, qui servait surtout de déclaration d'intention de Tom Taylor par rapport à ce qu'il veut faire sur le personnage, qui nous a introduit une petite retcon des familles au numéro 81, mais qui passe bien, voilà, qui nous introduit un lien avec un personnage, voilà, Nightwing s'est trouvé. Je vais spoiler, alors pour ceux qui sont lecteurs VF, je vous laisse quelques secondes pour couper le son, mais Nightwing qui s'est trouvé une sœur dont personne n'avait jamais entendu parler. Mais Taylor le fait suffisamment habilement pour que, même si on est comme moi pas fan de retcon, ça passe et ça apporte quelque chose d'intéressant pour la suite, donc moi ça me plaît bien. Et puis il y avait toute cette question autour de l'héritage d'Alfred aussi, la place de Barbara dans la vie de Dick et toutes ces choses-là. Enfin, voilà, tout ça a été très très bien traité, et on a un premier arc qui donne vraiment très très envie pour la suite et qui nous fait juste espérer que ça dure encore un bon moment. Je sais que toi tu le suis un peu, Nightwing. Ouais, je suis en train de me poser la question d'où j'en suis. Le 81, je l'ai lu, c'est sûr. Le 82, ça ne me dit rien du tout. Le 82, c'est une discussion... C'est surtout une grande discussion entre Dick et du coup la jeune femme en question. Je ne l'ai pas lu et la question... Elle lui raconte toute l'histoire. D'accord. Non, je ne l'ai pas lu et je me demande bien où il est. Il va falloir que je le retrouve. Mais j'en avais déjà parlé il y a quelques... soit le dernier ou l'avant-dernier podcast où j'avais dit que j'avais eu du mal un peu à rentrer dans le ton de la série qui est quand même particulier. Oui. Mais depuis, c'est vrai que maintenant que mon cerveau s'est habitué, j'avoue que c'est vraiment une bonne série. Comme tu le dis, vraiment un bon équilibre entre un côté un peu super-héroïque, très sympa, mais sans exagération, et un côté famille, et puis avec ce retcon qui effectivement est surprenant, mais finalement a été bien fait quand même. Oui. J'ai trouvé que ça passait plutôt, oui, plutôt bien. Moi, je ne suis pas un familier du personnage, donc quand j'ai vu... À la fin du 81, j'ai été jeter un œil sur Internet, voir si c'était vraiment retcon ou si ça existait déjà. Enfin, voilà. Et effectivement, c'était du tout neuf et surprenant et vraiment excitant pour voir ce que ça donne par la suite. Et là, voilà, je m'aperçois que j'ai du retard, donc il va falloir que je m'y remette. Bon, ça se lit assez vite. Hein, Oui, c'est assez rapide, effectivement. Et comme tu le dis, Bruno Redondo et Adriano Lucas aux couleurs, ouais, c'est vraiment très beau. Hein. C'est vraiment sublime. C'est aussi d'un point de vue du dessin, des couleurs, le choix des couleurs, mais aussi avec certaines mises en page assez, assez travaillées. Ça me fait penser d'une certaine façon un petit peu à Elena Casagrande sur Black Widow, un peu dans l'esprit, on va dire, de l'envie de faire des doubles pages ou des pleines pages avec voilà, un peu d'imagination, un truc, des dessins un peu fun. Et dans l'esprit, c'est un petit peu le même genre. Moi, j'aime beaucoup cette couverture du 83, notamment le dernier en date. Là. Ouais, elle est sympa, ouais. Qui fait penser à une couverture qui pourrait faire penser à du Hawkeye de David Ara, dans la façon dont c'est fait. Mais qui finalement. En fait, on a presque tout l'épisode sous les yeux, quoi. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. C'est un peu l'esprit. Ouais. L'esprit de la série, un petit peu. Hein. Ça pioche un peu là-dedans, hein, quand même, au niveau. Le mélange d'intime, de privé et de super-héroïque. Oui, oui. Oui, c'est sûr. Vas-y, rien de plus à rajouter moi sur cette série. C'est une bonne pioche, Nightwing, clairement une bonne pioche, que ce soit pour toi comme pour moi. Un conseil qu'on peut donner aux personnes qui nous écoutent, c'est d'aller jeter un œil. Ça vaut le détour. C'est la seule série de chez DC que je suis. Il y en a quelques autres pour moi, mais c'est vrai que des séries qui me donnent autant de plaisir, faut qu'elles soient écrites soit par Tom Taylor, soit par Joshua Williamson. C'est vrai que le pool de scénaristes efficaces et intéressants chez DC semble assez réduit quand même. C'est les deux seuls qui en ce moment me font vraiment rêver et réussissent à me donner envie de suivre leur série coûte que coûte. Voilà. Donc pour Joshua Williamson, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais que ce soit son Infinite Frontier et ce qui s'annonce pour la suite ou sa série Robin par exemple, voilà. C'est des choses que j'aime bien suivre. Et puis Tom Taylor, évidemment, il y a Nightwing, et puis il y en a une autre dont je parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est assez pauvre. Hein. Ouais. Moi, j'ai arrêté depuis un certain temps, mais je suis quand même de loin. Je, je, je, je lis quelques reviews, ce genre de trucs. Et c'est vrai que ça me donne pas envie de revenir, clairement. À part le Robin dont tu viens de parler, là, qui a l'air quand même sympa. Ouais, un style très shonen dans l'esprit. Ouais. Moi, j'aime bien. J'aime bien ça. Je suis en train de chercher, mais je les trouve pas, évidemment. Il y en a pas cette fois-ci. Une liste de titres, mais. Voilà. Moi, chez DC, j'attends le Aquaman, The Becoming, des petites choses comme ça, mais des choses qui sont vraiment à l'extérieur de l'univers principal. Hein. En ce moment, il y a. Ah, puis Urban Legends, quand même. Batman Urban Legends, très bonne série. Voilà. Allez, on reste chez DC un petit peu. On va pas en parler beaucoup de DC cette fois-ci. On risque même de pas parler du tout de Marvel, d'ailleurs. Mais chez DC, il y a aussi le Black Label. Et dans le Black Label, bah, y a quand même parfois des choses qui ne parlent pas de Batman et qui sont intéressantes. Tout à fait. Donc le Black Label n'est pas mort, il vit. Il Première vit nouvelle même, déjà. Voilà, il vit même bien à travers certaines séries. Donc là, la série dont on va dire un mot, c'est The Nice House on the Lake, donc de James Tannenfort, Alvaro Martinez Bueno et Jordi Belair. Alors on a déjà parlé, je crois, du premier. En tout cas, moi j'avais fait une chronique écrite sur le premier numéro qui avait été vraiment un énorme coup de cœur. Aussi bien scénaristique que graphique, peut-être même plus graphique encore, parce que j'avais été épaté par le changement de style d'Alvaro Martinez Bueno, qui était déjà très bon sur ses séries DC avant, mais là, il y a un vrai changement quand même, hein, de style. Donc, petit résumé rapide, c'est donc un individu qui avait invité certaines de ses connaissances de jeunesse dans une maison au bord d'un lac, en essayant de les convaincre avec différents arguments en fonction des personnes. Tout ça pour qu'à la fin du premier épisode, il y ait une grosse révélation. Je ne sais pas si on peut... Maintenant, c'est quand même... Oui, on peut en parler. Même chose, de toute façon, hein, la règle générale, là, on est sur des chroniques essentiellement VO aujourd'hui, donc lecteur VF qui nous écoutait, vous savez que vous risquez forcément d'être spoilé. Voilà, donc le monde, à part eux, on va dire, l'ensemble des humains et le monde allaient être détruits, et que lui, c'était un extraterrestre, on va dire, hein, c'est ça ? C'est ce que j'ai compris aussi, oui. Ouais, hein, il n'est pas de chez nous. Donc, en gros, voilà, le pitch. Et donc là, dans les épisodes 2 et 3, on suit les individus qui sont regroupés dans la maison, et chacun réagit avec son caractère, ses inquiétudes, sa façon de voir les choses. Et donc dans ces deux épisodes, sont centrés sur tel ou tel personnage. Dans la forme, ça reste assez original quand même, puisqu'il y a effectivement une partie BD qui suit les personnages. Et puis il insère régulièrement alors des extraits de scripts, de conversations téléphoniques, de notes prises par certaines personnes, etc. Et j'avais un peu peur, parce que des fois James Tannenfort, c'est quand même bavard et un peu, voilà, à lire c'est un peu lourd. Et finalement ça passe bien. Alors des fois on peut un peu passer vite sur certaines infos, mais globalement ça apporte des choses au récit, et c'est plutôt efficace. Ça, de ce point de vue là, il n'y a pas de souci. Le récit est quand même assez tendu, c'est pas hyper rapide, c'est pas un rythme effréné. Alors c'est prévu en 12, hein, je crois, de mémoire, et 12 ou 10, bonne question, parce que je crois qu'il y a 10 symboles là sur la couverture. C'est 12 épisodes. C'est 12, d'accord. Et il y a 11 symboles sur la couverture. Mince, je n'ai pas compté en plus. Oh, le boulet. J'ai compté sur le numéro 1 ou le numéro 2, je ne sais plus, il y en avait 11, donc ce qui serait assez fort, c'est qu'il y en ait un qui disparaisse à chaque numéro. Non, non, il y en a 10. 10 sur le 2, 10 sur le 3, mais il y en a un qui est d'une couleur particulière pour jaune, chaque... Il y en a un qui est jaune. Jaune sur le 2, rouge sur le 3. Donc, bon, je sais pas. J'avais l'impression que sur le 1, il y en avait un de plus. Ouais, donc, du coup, écoute, c'est moi qui ne sais pas compter, en fait. Et ça n'a peut-être rien à voir avec le nombre d'épisodes, mais plutôt avec le nombre de personnes présentes dans la série. J'en sais rien. Peut-être. En fait, je ne me suis pas posé la question, mais. Enfin, peu importe. C'est chaque épisode est assez dense, quand même. Il y a quand même des choses à lire, des infos supplémentaires, les réactions des personnages sont plutôt bien travaillées. La toute petite inquiétude, moi, que j'ai d'un point de vue scénario, c'est que ça soit un peu lent et que l'intrigue globale avance pas beaucoup, qu'on en apprenne pas beaucoup, en fait, sur ce fameux personnage et puis les conséquences, cet apocalypse, hein, entre guillemets. Alors peut-être que c'est pas ce qu'il veut raconter, il veut peut-être s'intéresser plutôt aux personnages et à leurs réactions. On verra au fur et à mesure. Là, 3 épisodes, c'est peut-être pas encore assez pour avoir une opinion bien, bien, bien affirmée. Par contre, graphiquement, moi, je suis toujours assez bluffé quand même par Alvaro Martinez Bueno et Jordi Belair. Ouais. C'est vraiment sublime. Oui. C'est travaillé en termes de mise en page. Et puis, voilà, il y a un aspect. Le dessinateur propose un. Alors, je suis pas du tout dessinateur et technicien de l'art comme ça, mais il y a un aspect un peu crayonné avec du gris, du noir. Très sympa. Et puis, le choix des couleurs, avec des couleurs quand même assez sombres. Et puis, avec des pointes très vives. Je trouve que ça rend vraiment bien. Ça donne vraiment une ambiance et un style à la série. Et si ça continue comme ça, ça risque d'être une des grosses séries de James Nineveh. Oui, clairement. Voilà, en gros, et là, il y a le 4 qui est sorti, je crois, mais je n'ai pas lu encore. Toi, tu ne l'as pas lu non plus ? Non. Non. Il n'est pas encore arrivé jusqu'à moi. Mais j'ai hâte. J'ai hâte, parce que c'est un de mes coups de cœur du moment aussi. Voilà, donc oui, effectivement, coup de cœur et une des séries que, voilà, quand je la reçois, ça monte sur le haut de la pile très rapidement. Oui, et pour revenir sur les symboles, parce que quand même, ça a une énorme importance, hein, ces symboles sur la couverture. Dans le numéro 1, on nous donne, tu sais, l'identité de tous les personnages qui vont être dans cette maison. Et chacun a un nom de code et un symbole qui est attribué. Et ces symboles sont ceux qu'on retrouve sous le titre en couverture. Mmh. Et du coup, le symbole qui s'éclaire correspond au symbole de la personne qui est mise en avant dans l'épisode en question. Eh bien voilà, on a trouvé les explications. On a l'ordre exact des personnages de quel personnage va être mis en avant dans quel épisode. Si on... Oui, ça ne change pas. Okay. Parce que ça ne change pas de numéro en numéro. Ouais. En tout cas, moi, le numéro 3, c'est peut-être mon préféré. Moi, j'ai lu le 2 et le 3 pardon, à la suite. Donc, ça s'est enchaîné. Donc, je ne vais peut-être pas forcément différencier les deux. Mais c'est vrai que... Oui, le 3, ouais. Avec ce personnage qui essaye de percer des mystères, de trouver des codes là où il n'y en a pas forcément, etc. C'est vrai qu'il y a une certaine angoisse sur les dernières pages là, mais c'est plutôt pas mal fait et ça on suppose ça apporte des choses assez intrigantes. Effectivement, c'est un je le refeuillette en même temps comme ça. Effectivement, c'est un épisode très intrigant. Ouais. Donc bonne série très conseillée. Oui. Voilà. On est tout à fait. Alors que sur la couverture du numéro 4. J'ai l'impression qu'il y a deux symboles en couleur. Suspense. Le quatrième est en jaune comme les autres, mais il y en a un autre qui a l'air d'être en rose, donc sans doute que... Bah écoute. Bref, si on en arrive à théoriser sur ce genre de détails, c'est vraiment que la série nous emballe. Tout le monde l'aura compris. On va quitter DC pour quelques temps, on y reviendra tout à l'heure quand je parlerai de l'autre série que j'avais en tête, mais on va aller faire un tour du côté de chez Image, je te propose. Oui, alors un petit tour rapide sur Stillwater, dont j'ai déjà beaucoup parlé, je ne vais pas en dire des longueurs. C'est une série qui prend son temps, alors si on s'en vaut bien, donc c'est de Chibzarsky, Ramon Caperez et Mike Spicer. C'est une série où un individu, après avoir reçu une lettre de sa mère qu'il n'a pas vue depuis des années, ou qui est peut-être supposée morte, je ne me souviens plus, j'ai un trou. Il retourne dans sa ville natale, et puis en fait, en arrivant, il s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce qu'il croyait, et c'est une ville où les individus ne meurent pas. Voilà, s'ils sont blessés, c'est des Wolverines en puissance. Et donc, il se retrouve mêlé là-dedans et il n'est pas forcément le bienvenu. Et donc, les individus qui y habitent sont sous le joug du shérif et du juge qui commande, tel des dictateurs. Et donc, y a une partie de la population qui en a marre et qui veut s'ouvrir à l'extérieur parce qu'ils ils veulent pas que ça se sache. Et donc, personne ne doit sortir, personne ne doit rentrer. Donc, à la fin du premier arc, ça commencé à chauffer un peu. Il y avait pas mal de conflits et des intrusions extérieures. Et là, dans le deuxième arc, alors là, c'est le numéro 9, donc le deuxième arc a commencé au 7, je crois. Ça prend son temps, ça détaille un petit peu les personnages. Alors, il y a des personnages qu'on avait entrevus qui sont plus développés. C'est pas le meilleur de Chibzarsky, mais c'est une série que j'ai plaisir à lire. Voilà, ça se lit tranquillement, je vais dire. Je sais pas trop combien d'épisodes il a prévu. Ça, peut-être que ça peut pas durer des épisodes et des épisodes. On se lasserait peut-être un petit peu. Il va peut-être falloir qu'il trouve voilà, une porte de sortie efficace au bout d'une quinzaine d'épisodes, on va dire. Je sais pas trop. Je sais pas trop si, non plus si la série marche suffisamment voilà, pour aller très loin. Je pense que c'est une série un petit peu confidentielle quand même. Au niveau des dessins, Ramón Caperez, moi j'aime toujours. C'est un style un petit peu particulier. Je pense qu'il plaira pas à tout le monde. Mais avec les couleurs de Mike Spicer qui travaille aussi avec Daniel Laura Johnson. Ça fonctionne bien, donc c'est un récit assez intéressant et assez surprenant, mais qui voilà qui est pas sur un rythme effréné. Donc si vous connaissez pas et que vous vous lancez, vous attendez pas un truc survolté quand même. Mais c'est assez agréable à lire. Donc moi je vais continuer. J'avais lu le début du premier arc et puis je sais pas pourquoi je me suis arrêté. Il faudrait peut-être que je m'y intéresse un peu. C'est vrai que ça m'avait plutôt plu pourtant. Oui, c'est assez. Enfin le pitch est assez ouais, original au départ. Moi, je me demandais un petit peu où il allait aller, dans quelle direction. En fait, il n'y a pas de changement de direction, il n'y a pas de voilà de grosses twists régulièrement, mais ça se construit petit à petit. Donc, à voir jusqu'où ça va aller, si ça tient la route longtemps ou pas, on verra. Si à un moment je me lasse pas, j'arrêterai. Mais pour l'instant, ça, c'est une des séries que j'ai plaisir à lire tous les mois. Ah oui, clairement, je comprends. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté, vraiment là. Un des mystères. Oui, bah, des fois, on rate un ou deux épisodes, puis après, c'est terminé. Hein. Oui. Il y a quelques séries comme ça où ça s'entasse. Des séries où t'en rates 8 ou 9, par exemple. Et... puis à un moment, on arrête, on se dit, j'ai trop d'épisodes de retard, et puis voilà, on stoppe. Ouais. Parmi ces... J'enchaîne avec le suivant. Vas-y. Parmi ces séries que je lis encore, et je me demande encore pourquoi, non pas que ce soit très mauvais, mais c'est une série que je lis et à chaque fois je me dis mais où est-ce qu'il veut venir et alors là et je ne sais pas de quelle série tu vas parler parce que je pense pas que c'est celle qui est marquée sur le conducteur. J'ai dû en mettre une j'ai dû en insérer sans te le dire. Peut-être que je vais être content. Allez, tente ta... Pourquoi non? Ah non, bon, parce que je voyais un Family Tree 12 qui était en bas, donc je me disais... Ah non. Ça, ce sera pour la fin, ça, c'est au fond. Family Tree, c'est au fond, dans tous les sens du terme. Non, c'est The Blue Flame. Ah, là, c'était bien la bonne. Mais comme c'était numéro 3, disais, que tu dis, c'est une série que je lis toujours, je me disais, ça peut pas être celle-ci, c'est trop récent. Mais en fait, si. J'ai déjà parlé, je crois, du 1 ou du 2, je me souviens plus. Peut-être. Alors, c'est une série qui mêle... En fait, il y a deux narrations un peu en parallèle. C'est l'histoire d'un super-héros, on va dire, qui, dans une partie du comics, a une vie personnelle. On le voit un peu avec. Alors, dans le premier épisode, il faisait partie d'une équipe de super-héros qui subissait une attaque et il y avait certains de ses coéquipiers, on va dire, qui étaient tués, etc. Donc, il y a une partie un peu intime, privée, avec un peu ses déboires, ses. Voilà, c'est toutes ces inquiétudes, ce genre de choses. Et puis en parallèle, on le suit, puisque c'est un super-héros cosmique, qui a la capacité de voyager dans l'univers, etc. Et qui s'était fait intercepter par des individus sur une planète extraterrestre et qui lui demandait de venir défendre la planète Terre lors d'un procès. Et donc, il était désigné comme le défenseur des terriens, des humains. Et donc là, depuis, donc là c'est le 3, le scénariste Christopher Cantwell, dans cette partie-là, pour l'instant, le héros prépare la défense, mais on le suit un peu alors dans ses doutes, etc. Mais c'est on va dire, 5-6 pages dans l'épisode. Et en parallèle, on le voit. Alors là, dans le 3, on nous dit que c'est 7 mois plus tôt. J'ai du mal avec cette série à me situer dans le temps. Là, on le voit, il est carrément abîmé de partout. Il est avec des béquilles, il est à la dérive complète. Il vient, sa sœur qui est enceinte vient habiter avec lui, avec son compagnon pour l'aider. Enfin bon. Alors, c'est pas désagréable, mais c'est pas passionnant non plus. Et j'arrive pas à voir comment il. Je trouve que ça avance pas assez vite. Alors, pour être tout à fait honnête, après avoir lu le 3, je me suis dit, je vais arrêter la série. Et puis j'ai vu qu'en fait le 4 allait m'arriver la semaine prochaine. Et je sais pas en combien c'est. Donc je vais lire le 4, mais je crois qu'après ça. Mais après je suis un peu embêté, je me dis si je suis déjà au 4 et que c'est en 5 ou 6 par exemple, c'est un peu bête de s'arrêter. Mais comme souvent avec Christopher Cantwell, pardon, c'est bizarre. C'est un peu irrégulier, le rythme est un peu instable, on ne sait pas trop. Des fois ça s'emballe, des fois c'est un peu mou. On ne comprend pas toujours tout. Alors, comment ça s'appelle la série que tu avais lu aussi? She Could Fly. Ah oui, oui. J'avais lu le premier arc. J'avais trouvé ça sympa, mais pas exceptionnel. J'avais tenté Everything il y a quelques années, je ne sais plus si c'était un an ou deux. Alors là, j'avais rien compris, donc j'avais laissé tomber. Enfin, j'ai du mal avec ce scénariste. Et là encore. À chaque fois, j'ai envie. C'est-à-dire, je me dis, ça doit être sympa cette série. Il y a un truc que je dois pas. Et à chaque fois que je lis l'épisode et que je referme, je me dis, bah non, finalement, ça m'a pas passionné, quoi. Donc voilà, c'est une série sur laquelle j'hésite, que j'ai envie d'aimer, mais qui n'arrive pas à me la faire aimer. Donc ouais. C'est un petit peu parce que je pense qu'il y a un gros potentiel, que le gars a des idées, mais que alors soit c'est moi qui saisis pas le truc, qui rentre pas dedans, quoi. Soit il n'arrive pas à saisir, à écrire son truc comme il faut, je sais pas. Donc j'hésite encore. Bon, le 4, je vais le lire, puisqu'il va m'arriver. Mais pas sûr que je continue après, quoi. Enfin, en tout cas, c'est clairement pas un coup de cœur, mais je pense que c'est une série qui a un vrai potentiel, mais qui s'exploite pas ou que moi, j'arrive pas à rentrer dedans, mais bon. Voilà. Toi, t'avais lu le premier ou le deuxième? Ouais, mais j'ai calé, hein. Ouais, c'est, ah, oui, c'est oui, bizarre. J'ai calé, hein. J'ai calé parce que moi, Cantwell. Il est rare que j'accroche, quoi. She Could Fly, c'est moi qui m'étais accroché jusqu'au bout. Mais non, il a effectivement un style de narration, un style... je sais pas, moi, ça me parle pas, sa façon d'écrire, je sais pas. Il m'ennuie, en fait. Ouais, c'est ça. C'est... Parce que là, la narration en parallèle pourrait être sympa. C'est-à-dire que l'une pourrait nourrir l'autre et avancer, mais en fait, ça avance pas beaucoup. Des fois, c'est dans le présent, des fois, c'est dans le passé, des fois... Et puis on n'arrive pas trop à situer, enfin je sais pas, ou alors c'est que j'accroche pas, mais c'est vrai que c'est une narration très particulière. Hein. Ah ouais, non, moi je. Et maintenant, hein, pour tout te dire, quand je vois de nouveaux projets chez certains éditeurs que pourtant j'affectionne, hein, comme Volt ou Aftershock ou machin, et que je vois son nom, ben j'y vais pas. Ouais, bah je crois que malheureusement ça va être ça la prochaine fois, moi, hein, je vais laisser tomber. Je sais qu'il a fait des trucs chez Marvel, ouais, c'est ça? Sur Doom. Ouais, bah, Iron Man. La nouvelle série, oui. Iron Man là, qui a démarré, ouais. Il y a un petit moment déjà. C'est lui qui l'avait démarré. Hein. Je ne sais pas s'il y a encore, parce que voilà, mais d'une, c'est Iron Man, ouais. De c'est Cantwell. Mais. Je crois que c'est. Ouais, de ce que j'avais entendu, Iron Man, c'était pas top. Mais il a fait aussi une mini-série sur Doom, je crois, qui est sortie chez Panini, là, oui, en VF, il n'y a pas longtemps, qui avait plutôt une bonne réputation. Mais c'est vrai que ça. Alors, j'ai posé une question un peu qui fâche peut-être et qui est peut-être désobligeante envers ce monsieur, mais. Est-ce que ça a eu bonne presse parce que c'était vraiment bon ou parce que c'était Christopher Cantwell qui a un style qui n'est pas du tout commun chez Marvel et que forcément du coup ça se détache et que ça prend une autre dimension parce que c'est pas pareil que ce qui se fait chez Marvel habituellement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas. Mais donc j'avais même hésité à un moment à le prendre les tomes chez Panini. Bon, le prix m'a refroidi. Hein. Oui, bah ça. Mais en me disant, bah, j'en entends beaucoup de bien quand même, et je me suis dit, il doit bien faire, enfin, il y a bien un truc auquel je vais accrocher, quoi. Mais j'ai pas pris, bon, voilà, financièrement, c'était trop pour moi. Mais je crois que non, je vais finir par renoncer à tout ce que fait ce monsieur. C'est un peu bête. Je pense qu'il a de bonnes idées, mais que sa façon d'écrire n'est pas pour moi, quoi. Ça, c'est clairement. C'est possible. Donc bon, je vais lire le 4, hein. Je vais lire le 4, et puis je reparlerai peut-être. Mais pas sûr que j'aille. Surtout qu'il y a un trou là. Enfin, un trou. Hein. Il y a le 5. Enfin, il y a un espace de 2 ou 3 mois entre les deux suivants. Donc, je sais pas si c'est une fin d'arc et une reprise ou si voilà, c'est juste une pause. Donc, si je savais en combien c'est prévu, peut-être j'aurais le courage d'aller jusqu'au bout si c'est court. Mais comme je sais pas, je vais peut-être pas prendre le risque. Enfin, bon. Peu importe. Je conseille pas vraiment The Blue Flame. Voilà. Eh bien voilà, on est deux à ne pas le conseiller du coup. Bon. Alors qu'est-ce qu'on va se faire maintenant? Attends, je vais essayer de retrouver le conducteur. Je vais peut-être intercaler quelque chose. Vas-y, Unbelievable si Unteens, tiens. Allez. Unbelievable Unteens, le numéro 1, c'est du Jeff Lemire, c'est du Tyler Crook, c'est chez Dark Horse, donc c'est du Black Hammer. Il y a une certaine certaine logique quand on voit Jeff Lemire chez Dark Horse, c'est souvent du Black Hammer. Ça nous raconte quoi ? Ça nous raconte, alors pour le moment je ne vois pas encore le lien avec Black Hammer, même si il y a quelques plus ou moins sous-entendus, c'est-à-dire qui sont plus des clins d'œil ou des easter eggs qu'autre chose. Ça nous raconte l'histoire de Jane Ito. Jane Ito, c'est une artiste de comics, scénariste et dessinatrice, qui écrit une série qui s'appelle The Unbelievable Huntings. Quand on voit le style de la couverture du numéro 1 du monde réel, je veux dire, enfin, chez Dark Horse, on comprend tout de suite que Unbelievable Huntings est une référence très claire aux New Mutants. Elle écrit cette série, et puis elle assiste à des conventions, elle fait signer ses bouquins, tout ça, enfin, comme tout artiste à succès. Et un jour, elle reçoit la visite d'un de ses personnages. Quelqu'un qui se présente comme étant un de ses personnages. Elle pense à un cosplay, elle pense à une blague, enfin voilà. Et elle rejette la possibilité que ce type-là puisse être un des personnages de la série qu'elle écrit, etc. Sauf qu'apparemment, c'est bien le cas. Et ce personnage lui révèle que les Unbelievable Huntings ont existé et qu'elle aussi en faisait partie. Et que ce qu'elle raconte, en fait, c'est pas des choses qu'elle invente, c'est des choses qu'elle a vécues mais dont elle ne se souvient pas. Voilà un peu le pitch de cette série. Et ma foi, ça faisait longtemps que je n'avais pas apprécié du Black Hammer. Parce que récemment, Black Hammer Visions, on va pas se mentir, c'était la grosse déception. C'était une catastrophe, oui. C'était une catastrophe, on peut le dire, oui. Black Hammer Reborn est encore trop jeune pour dire si ça va être bon ou pas, mais là, ce Unbelievable Huntings, dès le premier épisode, moi, ça m'a accroché et j'ai envie d'aller au bout de cette mini. C'est une mini en 5, je crois, ou 6 grand maximum, hein, mais ça va pas être très long. Tyler Crook, au niveau du dessin, il fait vraiment quelque chose de très très fort. Il arrive à avoir deux styles. C'est pas tous les dessinateurs qui arrivent à avoir deux styles vraiment très, très différents. Il y a le style qu'ils utilisent pour l'histoire dans le monde réel, dans le présent, etc. Et puis il y a un style beaucoup plus rétro, beaucoup plus comics, on va dire, rétro, pour nous présenter les histoires des Unbelievable Huntings et les planches un peu d'origine. Et c'est vraiment très, très bien foutu. Et on pourrait croire que c'est deux dessinateurs différents qui font le taf tellement les styles sont marqués. Et en fait, non, c'est Tyler Crook qui fait les deux, et franchement, bien joué. Donc, bonne pioche, Jeff Lemire a réussi à m'embarquer à nouveau dans l'univers de Black Hammer. Ça faisait bien longtemps que ça n'avait pas été le cas, et ma foi, ça me fait bien plaisir, parce que c'est quand même un univers que j'apprécie. Pour le moment, c'est réussi, et il me tarde de découvrir le numéro suivant. Oui, moi, je découvre la série avec toi, parce que j'étais passé complètement à côté. C'est vrai que Black Hammer, je suis plutôt en VF, chez Urban. On va pas se mentir, Black Hammer ne fait plus le buzz qu'il faisait à la grande époque de ses débuts. Ouais, hein. Aussi, donc, ouais. Ça a pu passer au moment des sollicitations, au moment de l'annonce, comme une énième série dans l'univers de Black Hammer, parce que ça commence à faire beaucoup. Hein. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que ça n'a pas buzzé. Maintenant, je pense que si ça se maintient comme ça, ça va être assez solide sur les TP et sur la vente a posteriori, et le public va se réintéresser à cet univers-là et à cette série, qui est passée sous les radars, je suis d'accord, mais qui, peut-être par un bon accueil critique, va pouvoir avoir une vie un peu ultérieure intéressante. Non, mais c'est tentant, en plus Tyler Crook, moi j'ai beaucoup aimé sur Harrow County avec Cullen Bunn. Alors, je ne sais pas s'il reprend un de ces deux styles dont tu parles. Est je pense similaire. Que le style contemporain, le style du j'allais dire du monde réel, mais le style de la vie de Jane Ito, scénariste, je pense que c'est celui-là, ouais. Ouais. Donc il a quand même une belle patte, hein. Mm. Assez joli. Donc ça peut être sympa. Mais effectivement, je m'y intéresserai si Urban le sort, parce que je trouve qu'ils sont plus très trop taqués sur. Sur Black Hammer. Oui, ils sont plutôt attaqués sur l'indé tout court. Hein. Oui, tout court, mais voilà. Ils sont attaqués sur Batman. Quoi qu'il y en a un qui va sortir, c'est The Skull, je ne sais plus Skull comment Digger. Ça s'appelle. Skull voilà. Boy. Je ne sais pas si c'est sorti ou si ça va sortir, je ne me souviens plus, mais enfin, c'était prévu là. Dont j'ai un bon souvenir. Je ne sais pas si je l'avais terminé, mais j'en ai un bon souvenir. C'est vrai que Black Hammer, il y a eu tellement de mini-séries à côté. Enfin, c'était un peu en dents de scie à un moment quand même. Hein. C'était pas aussi bon qu'au tout début. Alors c'est un petit peu cher, mais je pense que quand je me parce que ça m'a quand même donné envie de me replonger dans le monde de Black Hammer, cette histoire-là. Le format idéal, c'est les Library Edition de chez Dark Horse, en fait. C'est des gros volumes, un peu hardcover, qui coûtent une quarantaine de dollars, mais qui compilent plusieurs mini-séries. Ah ouais, et ok. du coup, genre la série, enfin, t'as la série principale qui est en deux volumes, je crois, et puis après, tu as des tomes The World of Black Hammer, et du coup, qui reprend toutes ces séries-là. Et il y en avait quand même qui étaient très bonnes au début. Ouais, il y avait vraiment des choses vraiment, vraiment sympas. Et puis même la série, on va dire, régulière, a été très bonne au début, puis après, ça s'est un petit peu délité. Hein. Après la série. La série avec celle donc, que tu as citée tout à l'heure, donc j'ai oublié le nom, avec Kathleen Yarsky au dessin. Voilà, l'autre mini qui sort en ce moment, là, tu viens juste d'en parler, mais j'ai oublié le nom. Ah, Reborn. Oui, voilà. Alors, Reborn, qui est la suite de la série principale, du coup. C'est le troisième acte. D'accord. Il y a donc, eu, Black Hammer au tout début, qui a fait 12 épisodes. Après, on a eu Black Hammer Age of Doom, je crois que ça s'appelait. Ouais. Qui avait fait aussi 12 épisodes, et là on acte avec le troisième acte, le troisième cycle Black Hammer de l'univers principal, avec Reborn. D'accord, ok. Voilà, aussi c'est une dessinatrice intéressante, donc oui. ça peut être sympa. Donc moi je vais rattraper tout ça en VF, et puis ma seule tentative VO c'est donc Black Hammer Vision, donc bon, ça m'a calmé un petit peu quand même. Ouais, tu m'étonnes. Bon après c'était pas Jeff Lemire, je me suis... Non mais sur le papier c'était quand même intéressant de voir tous ces immenses scénaristes venir se frotter à cet univers-là et essayer de proposer leur vision. Ouais tout à fait, ouais. Moi j'étais jusqu'au 5, hein, mais à part le premier qui était sympatoche, les autres, mais c'était soit affligeant, soit j'ai rien compris, donc c'était vraiment décevant cette je sais même pas si c'est fini d'ailleurs, cette anthologie, donc bon. Peu importe, mais ouais, c'était ça. Je ne suis même pas sûr que ça sorte en VF, hein, tellement c'était faible. Hein. Ça n'apporte rien à l'univers, quoi. Donc, pas sûr que ça sorte chez Urban. Ouais. Ok. Allez, on enchaîne. On va faire un tour chez Boom. Là, on a trois séries Boom là, à la suite là, sur le conducteur. Ouais, allez. Alors, Seven Secrets, on en a parlé tout à l'heure dans les news VF. Bon, alors j'ai fait un article à l'écrit sur le 11, je crois. Donc bon, je vais pas revenir en détail, mais c'était juste pour faire un petit focus, comme on dit maintenant, sur cette série, pour dire que c'était toujours aussi bien qu'au début, hein, voire même mieux. Au début, moi j'étais un peu dubitatif. Au début, je trouvais que c'était un peu irrégulier, les 2-3 premiers. Je trouvais que Tom Taylor, puisque c'est lui, avait un petit peu de mal à trouver son rythme. Et puis depuis le milieu du premier arc, ben ça cartonne et c'est toujours aussi agréable à lire, hein. C'est fun, il y a pas mal de mystères, c'est pas hyper dense, voilà, il y a pas, c'est pas des intrigues alambiquées, etc. C'est relativement linéaire et simple, on va dire, à suivre, mais c'est vraiment super sympa. Et Daniele Di Nicolo et Walter Bayamonte aux couleurs, vraiment ont un boulot assez dingue. L'italien, on l'avait déjà dit, a un style un peu beaucoup manga quand même, hein, des influences manga. Oui. Et vraiment, il a un dessin hyper précis, hyper dynamique, qui va très bien avec le récit de Tom Taylor. Donc évidemment, bon, moi, c'est toujours cette histoire de secret à préserver, à cacher. Et puis bon, ça mêle trahison, retournement, etc. C'est vraiment une série super fun à lire. Et donc, là aussi, un autre coup de cœur qui ne faiblit pas depuis un an maintenant, hein, puisque ça a commencé il y a un an. N'hésitez pas à prendre le train en route ou le prendre en VF en novembre. Franchement, j'espère que ça va être un carton en VF, que Delcourt va bien profiter de cette série. Mais franchement, c'est vraiment très sympa. Tom Taylor a vraiment bien réussi ses débuts dans l'indé. Oui, oui, premier essai en indé, coup de maître. Ouais, donc franchement sympa. Encore un épisode et le deuxième arc sera terminé. On aura sans doute une pause avant d'avoir le numéro 13, comme entre le 6 et le 7, mais pour ça vaut le coup d'attendre dans certains cas. Oui, puis je crois que la pause n'avait pas été très très très longue. Le temps de sortir le TP et de lui laisser un petit peu. Voilà, voilà, donc à nouveau conseillé ce Seven Secrets. On continue avec Eve. Moi je dis Eve. Tu dis Eve, et moi je vais dire Eve. Okay. Voilà. Et j'en suis au 3. Je me dis que je dois avoir du retard aussi. Parce le 4 est sorti en août, je crois. Ouais, non, mais je sais pas ce que je fais là. Il y a des séries, j'ai dû rater des trucs. C'est pas grave, je vais rattraper tout ça. Donc, c'est de Victor Laval, Cho Mi Gyeong et Brittany Peer aux couleurs. Donc au début, c'était, on découvrait dans le premier épisode une petite fille. Ça y est, j'ai un trou. Qu'est-ce qui lui est arrivé déjà? Enfin, il y avait un retour. Elle vivait dans un caisson, en fait. Ah oui, c'est ça. Oui, mère. D'accord. Oui, elle vivait une vie qui n'était pas la sienne, en fait. Une vie un peu idyllique. Et puis, on s'apercevait, elle aussi, qu'en fait, elle vivait dans un caisson. Et quand elle est libérée, c'est pas du tout ça. C'est plutôt l'apocalypse. Hein. Et on découvrait un petit peu, dans le 2, qui elle était, qui est son père, pourquoi elle est là, quel est son rôle, etc. Et c'était assez intriguant quand même. Et le troisième épisode maintient un petit peu cette intrigue. C'est toujours bien porté par ces deux personnages, la petite fille et son ours en peluche, pas vraiment en peluche, hein. Un espèce d'androïde qui à la fois la suit, la défend. Enfin, c'est un peu ambigu. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti moi. Je sais pas s'il est très net en fait, ce petit ours. Et puis on la suit dans ce monde apocalyptique à travers la ville. Là elle rencontre des jeunes et puis ça va peut-être pas forcément se passer comme on l'avait prévu. Et puis je trouve que le scénariste, alors c'est un romancier au départ, hein, il a écrit des livres. J'en ai commencé un qui est sympa, mais il faudrait que je le finisse. C'est sorti en VF et j'ai un trou, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, c'est toujours intéressant quand je fais des remarques comme ça. Je vais te faire une recherche en même temps que tu parles. Ah mais c'est fou, j'ai pas de tête là, j'ai pas de mémoire. Victor enfin bon. Laval, il a écrit La Ballade de Black. Voilà, c'est ça, La Ballade de Black Tom. Eh bien, j'ai commencé, c'est très bien, mais j'ai pas fini, hein, comme beaucoup de choses. Donc voilà, et je crois qu'il avait écrit un comics avant de se lancer dans Eve. Mm-hmm. Et moi, je suis toujours intrigué. Je suis pas hyper passionné, enfin c'est pas forcément un gros gros coup de cœur, j'attends un peu de voir où ça va aller, mais par contre c'est super beau, le dessinateur Joe Meinyoung et puis les couleurs aussi de Brittany Peer là. Franchement ça offre une vraie belle identité, totalement un peu irréelle, un peu étrange, avec beaucoup de couleurs roses très très appuyées, enfin ça fait pas la Terre comme quand on regarde par notre fenêtre, hein. Donc ça fait un peu un côté science-fiction évidemment. C'est toujours agréable. Après, à voir dans quelle direction il va aller, comment il va faire évoluer son histoire. Mais pour l'instant, c'est une bonne série quand même, que j'avais raté au début et que je suis pas mécontent du tout d'avoir repris. Je crois que tu l'as lu aussi. Ah oui, Yves, je suis assez accroché à cette série. J'ai lu le numéro 4 également. Moi, j'aime beaucoup le personnage. J'aime beaucoup ce petit ourson particulier aussi. Enfin, voilà. Non, j'aime beaucoup ce que fait Victor Laval. Et il a ce souci aussi de transmettre des messages quand même dans ce qu'il écrit. Il le dit à la fin de ses numéros. Il fait toujours des liens par rapport au monde réel. Et notamment, cette histoire, il l'a écrit aussi par rapport à la situation environnementale. De notre planète, et voilà, il a voulu faire un récit un peu dystopique qui montre aussi comment les choses pourraient dégénérer. Et voilà, c'est un monsieur qui a l'air d'avoir des choses à dire, en plus d'avoir des histoires à raconter, donc c'est toujours intéressant. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un bon titre, avec plein de choses dedans, et surprenant. Voilà. Donc là aussi, conseillé. Après, il faut aimer le dessin, moi je trouve que c'est super beau. Après, je pense qu'il y a peut-être des gens qui n'aiment pas forcément. Mais c'est un petit peu particulier en termes de couleurs et de... Ah, j'aime bien. Il y a ce mélange, ouais, aussi, ouais. Ce mélange un peu à la fois de douceur, d'innocence, c'est un peu rond. Mais en même temps, c'est des couleurs parfois très passées, on est un peu dans le pessimisme aussi. Enfin, c'est un mélange assez déstabilisant parfois. Oui, ouais, tout à fait, mais je suis pas sûr que... Voilà, non, possible, je suis d'accord. Il y a un côté entre guillemets un peu naïf, enfin, se dire, dans le... Il y a un dessin très rond quand même. Mm-hmm. Pas sûr que ça plaise à tout le monde, mais voilà, si vous le dessin ne vous rebute pas, c'est vraiment une série à découvrir. C'est vraiment très très sympa. Je ne sais pas, en combien c'est prévu. Non, on ne sait pas si c'est en 5 ou 6. Ah ouais. Ah oui. Tu vois. Ah ouais. Je vais vérifier ça tout de suite, parce que c'est quand même D'accord. assez facile à vérifier. Bon, à voir ce qu'il va pouvoir faire dans les 2 ou 3 derniers épisodes. Enfin, toi, tu as lu le 4, mais moi, j'en suis au 3, donc à voir. Alors évidemment, si je ne tape pas le titre, c'est 5, c'est en 5. D'accord. Ah ouais, ok. Et après avoir lu le 4, tu te dis que c'est possible de finir en 5 de façon satisfaisante? Je me dis que monsieur a intérêt à être imaginatif. D'accord. Là, je t'ai un peu broyé ton... Non, je me dis que c'est un challenge de finir en un numéro, et je pense que c'était un premier volume et qu'il a d'autres choses à raconter dans cet univers-là. Mais c'est souvent dans l'indé, on commence par une mini-série. Voilà. Comme beaucoup de séries. On n'annonce pas toujours ses ambitions par prudence. Dont une dont je vais parler tout à l'heure, qui a ce défaut-là, on va dire. Mm-hmm. Passons à la troisième boom. À la troisième boom, Basilisk, ouais, j'ai un peu été déçu par le numéro 3, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Moi, je reste séduit, essentiellement, je dois le reconnaître, par la partie graphique. Mm-hmm. Parce que le récit ne me déplaît pas, mais c'est très lent. Ça avance pas beaucoup, hein, il faut quand même le dire. C'est bien ça qui m'embête. On sait pas trop ce que Cullen-Bunn, puisque c'est Cullen-Bunn, on fait tout un peu dans le désordre aujourd'hui. Dessin Jonas Scharf et Alex Guimaraes, ce couleur, c'est les artistes qui avaient fait Bonne Paris, que j'avais lu en VF et que j'avais bien aimé. Bah, Bonne Paris, pareil, tu vois. Deux premiers épisodes et puis après, ça m'a saoulé. Je pense que ces deux séries, c'est sans doute des séries à lire en TP. En collecté, parce que Bonne Paris, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que ça tenait bien la route. Mais j'ai lu la version chez Delcourt, donc par coup de 5 épisodes. Quoi, hein. Mm-hmm. Parce qu'au début de chaque épisode, il y a une espèce de partie avec un dessin différent. Là, tu parlais de style différent. Là, là aussi, il y a vraiment un style différent qui apporte pas grand chose. Enfin, t'as l'impression d'un peu de voir trois fois la même chose au début de chaque épisode. Et puis après, on suit les personnages. Alors, les personnages sont assez intéressants. Enfin, ils ont une personnalité, vraiment, quand même. Oui. Il y a quelques scènes. Enfin, voilà, il y a celui qui est un peu le Wolverine de sa tronche, là. Hein. Il a une tronche de Wolverine, moi, je trouve. Oui. Voilà, il y a des personnages fun. Le lien entre la jeune fille qui est enlevée, là, par l'autre, celle qui a des pouvoirs avec ses yeux. Avec son. Je ne retiens pas les noms. Hein, donc. Bah ouais, moi non plus. Et puis là, je l'ai sous les yeux, mais j'arrive pas à retrouver. L'échange. Il y a des choses intrigantes, mais ça va trop. Ça installe trop lentement les choses, quoi. On ne sait pas trop quelle est la direction. Je pense qu'il y a un vrai potentiel, mais ça va pas assez vite. Honnêtement, il n'y aurait pas la partie graphique des deux artistes que j'ai précités, là. J'aurais peut-être déjà arrêté. Là, franchement, au niveau graphique, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que font Jonas Scharf et Alex Guimaraes. Et ça, c'est ça qui me maintient, on va dire, et qui m'incite à continuer, en me disant, sur l'expérience de Bonne Paris, qu'au final, ça va quand même être solide et ça va être intéressant. Maintenant, faut que ça se densifie quand même, hein, parce que c'est un peu léger. Moi, j'ai Regan comme prénom. Regan. Ouais, non, ok. Ça t'évoque pas. La jeune fille là avec son. Apparemment, c'est Regan. Ouais, non, si, ça me dit quelque chose maintenant. Ouais. Effectivement. Donc voilà, c'est des personnages intéressants, quelque chose d'intrigant, mais qui avance trop lentement. Heureusement, pour moi, sauvé par la partie graphique. Je lui reproche la même chose qu'à Bonne Paris, en fait. C'est une série avec un concept fort, mais qui se traduit pas tant que ça au final sur la longueur et qui te crée beaucoup d'attentes et au final, voilà quoi. Ah, Bonne Paris, c'était une bonne série qui se lisait très bien, mais c'est vrai que le concept de départ de la drogue, là, la drogue, des cendres, pardon. Moi qui étais au final, un peu. Hein. Oui, voilà. Au final, c'est ce que j'avais reproché à la fin du tome 3, c'est que ce concept-là est peu exploité. C'est pas en fait le cœur du récit. Le récit de Bonne Paris, c'était un thriller, quoi. Voilà, un thriller avec ses gangs, ses rivalités et ce genre de choses. Mais l'idée de départ de la cendre n'avait pas vraiment de développement au fil des 15 épisodes. Et là, on sait pas trop ce qu'il veut développer. Et voilà, j'ai un peu peur que ça soit pareil. C'est-à-dire que ça se développe pas vraiment. Alors, comme il arrive à construire un cast de personnages intéressants et qui va tenir par des rebondissements, je pense qu'ils vont être quand même assez sympathiques, ça devrait bien se lire. Mais effectivement, c'est pas. J'ai l'impression qu'il a une bonne idée, puis après, il raconte un petit peu toujours la même chose. Donc bon, on verra. Moi, je vais continuer pour l'instant. Et puis après, après un premier arc, si vraiment ça, il s'est passé rien dans les deux autres prochains, je ferai peut-être une pause et je prendrai peut-être après en TP ou en VF, je sais pas. Mais voilà, c'est essentiellement ouais, la partie graphique qui me plaît moi. Voilà bien. Eh ben très bien. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec quoi ? Eh ben on va enchaîner avec rapidement. Allez, très rapidement. Ice Cream Man numéro 25 chez Image. Puisqu'on va revenir après sur deux images, donc j'en profite. Pas de gros spoil, je l'ai pas lu. Maxwell Prince toujours, Martin Morazzo toujours, Chris O'Halloran toujours. Te rappelles-tu de cet épisode avec le suicide de quelqu'un qui se jette du haut d'un immeuble et que l'on voit descendre et qui oui. Voilà. Oui, c'était au tout début ça. Et bien cette fois-ci, c'est un avion qui est en train de se crasher. Et du coup, on assiste à la réaction, le comportement de toutes les personnes qui sont dans cet avion, certaines très bizarres, certaines. Tout à fait saine d'esprit, apparemment. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on voit. On voit voilà, la vie dans cet avion alors qu'il est en train de se crasher. Il y a des trucs parfois assez déroutants. On a quelques petites choses. Non, même pas, je suis en train de feuilleter. On a une séquence qui se passe au sol, mais c'est tout. Mais surtout, moi, ce qui m'a marqué, et je compte vraiment sur toi pour quand tu le liras, il faudra qu'on en reparle. J'ai eu l'impression de trouver des références à certains des 24 premiers épisodes, et je pense qu'il y a 24 easter eggs cachés dans ce numéro, chacun faisant référence à un des 24 premiers numéros de la série. Je n'ai pas assez de mémoire et je n'ai pas assez fait attention, sans doute, à certains détails pour tous les voir, mais je suis sûr que le compère Morazzo, là, Maxwell Prince, a caché 24 référence à ces 24 épisodes dans cette histoire-là. J'en suis quasi certain, mais comme je ne les ai pas trouvés, bah voilà. Donc je compte sur toi. Ça serait bien son genre. Hein. Ouais, mais... c'est parce que je me suis dit, bon, la première référence, pour moi, tu vois, c'est la chute de cet avion, etc. m'a fait penser forcément au numéro dont je t'ai parlé sur le suicide. Et puis il y a d'autres trucs. Enfin voilà, il y a d'autres trucs. Je me suis dit, oh, c'est quand même pas possible. Il y a même des fois des personnages, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils étaient déjà là dans un autre numéro. Donc tu me diras quand tu l'auras lu. Ça me fait penser, c'est pas le 23 où il y avait déjà des références au... Ah non, c'est le... Pardon, c'est le AA6. Je suis désolé. Ah bah oui, je me doute. Mais tu l'as pas lu le AA6 Non. Non, j'ai pas encore lu. Bah, d'accord. En fait, c'est un crossover, on va dire, entre les deux séries, quoi. Oui. Donc, parce que je me disais, mais des références, ça me dit quelque chose. Je me suis dit, je l'ai quand même pas lu, je suis en train de dérailler. Non, donc je l'ai pas lu le 25. C'est dans le AA6 où il y a des références à des épisodes de Ice Cream Man. Donc, quand je le recevrai incessamment sous peu, la semaine prochaine. Ouais, moi, je suis certain. Voilà, il y a même des personnages, je suis sûr qu'ils ont été carrément repris d'autres épisodes pour les mettre là-dedans. Ah oui, ça serait bien son genre, si je puis dire. Première réplique, genre de... la première réplique, première bulle, ça m'a fait. C'est pas du spoiler, je peux te le dire. Le copilote de cet avion demande au pilote. T'es au courant que Jerry est mort ? Et Jerry, c'est le mec du Téléthon. Ouais, ouais, ok. Donc tu vois ? Oui, effectivement. Donc il y a forcément des références. Ça se trouve, je fais un film, mais j'aime bien penser qu'il a fait ça. Oui, c'est le genre de truc qui serait fidèle à l'esprit de la série, on va dire. Ouais. Donc c'est. Mais en tout cas, même sans possible. Ça, c'est un bon numéro, hein, clairement. Ouais, il y a peu de déchets quand même sur cette série. Hein. Non, c'est clair. Même les épisodes plus faibles sont des épisodes agréables. Donc, Oui, je pense que certaines séries aimeraient bien avoir des épisodes de la qualité des épisodes plus faibles d'Ice Cream Man. Ouais, voilà. Je pense qu'ils arrivent à maintenir un niveau de qualité. Alors après, il faut apprécier, enfin adhérer au principe de base. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé. Si on est friand de ce genre de série, il n'y a pas de déchets, quoi. Voilà, il n'y a pas de déchets. C'est clair. Donc, et puis, si elle dure aussi longtemps, c'est qu'il y a du succès quand même et qu'il y a quand même un certain nombre de lecteurs qui sont de l'aventure. Mm-hmm. Allez, on enchaîne avec Family Tree 12, que j'ai calé dès le premier épisode. très déçu. Eh bien, tu as bien fait. J'étais jusqu'au bout. Et pourtant, je l'ai défendu, hein, ce titre. Oui, je sais. Au début, j'étais un peu le seul. Clément et toi, vous n'étiez pas. Quoi, Clément, il a peut-être eu un peu. Clément, c'était Jeff Lemire, donc il n'osait pas trop. Voilà. bêtement, il a suivi ça sans réfléchir, mais moi j'ai réfléchi quand même, mais j'étais chiant quand même. J'avais, je sais pas si, je sais plus de quel numéro j'avais parlé, il y a peut-être longtemps que j'en ai pas parlé. J'ai lu le 12 là pendant l'été. C'est l'impression que j'ai eue et que je pense les auteurs ont eu aussi, c'est qu'il fallait finir la série parce que là, ça fait on termine vite fait, quoi. On trouve une fin un peu bof, un peu bâclé. Même Philester, qui a un dessin très particulier, mais au début, je trouvais qu'il y avait quand même un certain travail de mise en page, il y avait un effort. Là, ça fait un peu bâclé, je trouve. Enfin, ou alors c'est que je l'ai lu en voilà avec une idée en tête en me disant que ça comme j'étais déçu des derniers épisodes que ça allait pas être top, mais non, vraiment une grosse déception, quoi. C'est ça se finit de façon très banale, sans originalité, et donc c'est le numéro 12, c'est en 12 épisodes, et je pense qu'il s'est laissé, enfin, ou alors il avait des idées au départ qu'il a pas exploité, puisqu'il y avait une partie à partir du la fin du premier arc, je me souviens que j'avais dit que ça. Et on découvrait un personnage dans le futur. Et donc, ça allait relancer la série, que ça allait donner un gros coup de fouet. Et en fait, il n'a jamais eu exploité ça, puisque la partie future, c'était toujours un tout petit bout de chaque épisode. Et le reste, c'était dans le présent, et ça avançait pas vraiment, quoi. Donc, et même ce qui fait l'habitude, la patte de Jeff Lemire, quand même, ce côté touchant, voilà, sur ses personnages, là, il n'y a même pas, en fait. Je trouve que c'est raté. Enfin, c'est pas bien fait, quoi. Donc, une série que j'ai lue jusqu'au bout et que je ne conseille pas, même si c'est du Jeff Lemire. Bah c'est bien, ça nous change un petit peu dans cet épisode. On n'a pas que des choses sur lesquelles on s'enflamme, plutôt. On a des trucs qu'on dit, bon, bah ça, on ne vous conseille pas. Voilà. Honnêtement, je l'ai lu, il y avait longtemps que je l'avais dans ma pile. Je me suis dit, ah oui, tiens, bon, je vais le finir pour être débarrassé. C'était un petit peu cet esprit. Bah, oui. Et non, mais voilà, le premier arc était correct, et puis après, le deuxième arc n'a pas réussi à faire basculer les choses et à faire monter la série. Au contraire, ça s'est enlisé. Et il n'a rien vraiment développé, quoi. C'était pas de mon point de vue. Hein. Après, peut-être que certains lecteurs ont apprécié, mais bon, pour moi, c'est. Je n'ai pas lu tout Jeff Lemire, hein, loin de là, mais c'est sans doute ce que j'ai lu de moins bon de sa part. Voilà. Dommage. Pour ne pas spoiler les gens, on va terminer quand même sur deux choses qui sont quand même de très haut niveau. C'est de l'ironie ou bah non, c'est vrai. C'est quand même deux. Ah. On termine quand même sur deux excellents trucs. Là, on s'est un petit peu, on a un petit peu fait les grincheux. Ah, là, sur les deux prochains, je pense quand même qu'on. Je veux pas être grincheux, mais je vais avoir des points négatifs moi quand même. Ah ouais. Je suis casse-pied, sur la première, oui, peut-être. Shadecraft. Ouais. Numéro 5, donc de Joe Anderson, Lee Garbett, Antonio Fabella, donc l'équipe de Skyward, que j'avais beaucoup aimé, et qui là est reparti donc pour, a priori, une mini-série qui n'est pas vraiment une mini-série, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il l'explique à la fin, le scénariste, qu'ils avaient imaginé un premier arc, qui a été créé, imaginé et fabriqué pendant les débuts de la pandémie de Covid-19. Donc ils savaient pas trop quelle visibilité ils avaient, etc. Et donc ils ont fait un premier arc en 5 avec peut-être dans l'idée de poursuivre la série pour faire quelque chose de plus étoffé. Et je trouve que ce premier arc, finalement, on va dire ça comme ça, hein, pâtit de ce problème. Je trouve qu'il y a eu des vrais problèmes de rythme dans cette série. Le premier épisode exposait bien les choses, même s'il ne se passait pas grand-chose. Ça, c'était assez mystérieux quand même avec cette histoire d'ombre qui la poursuivait. Le deuxième m'avait déçu. Je trouvais que c'était que des séquences anecdotiques qui n'apportaient rien du tout. Et puis ensuite, ça a commencé un petit peu, notamment avec les révélations sur sa mère. Sur sa famille, etc. Ça s'est densifié, ça s'est accéléré, et puis finalement ça se finit un peu vite, je trouve. Et puis c'est pas vraiment fini. Alors s'ils veulent continuer la série, comment ils vont continuer la série, ça j'ai un doute quand même. Enfin j'ai pas pris autant de plaisir que Skyward, même si Skyward, je pense qu'au départ a été prévu en 15, et voilà, ils avaient leur truc au départ et ils savaient qu'ils allaient aller plus loin qu'un arc. Cet épisode est peut-être le numéro 5, est peut-être un des meilleurs avec le précédent, le 4, même si je trouve que c'est un peu précipité sur la fin, voilà, parce que bah il faut finir l'arc, et puis bah j'ai trouvé que la fin est un peu, voilà, un peu précipitée. Donc voilà, sur l'ensemble de l'arc, je suis un petit peu mitigé. Moi, je trouve qu'il y a eu des moments faibles quand même. Notamment le deuxième épisode qui m'avait... Honnêtement, je m'étais posé la question d'arrêter la série à ce moment-là. Parce que le premier exposait correctement les choses, mais ne donnait pas grand... Enfin, c'était pas très dense. Le deuxième, voilà, ça, je trouvais que ça servait à rien. Donc, bon, je vais te laisser parler. Tu vas peut-être avoir un avis plus positif, visiblement. Sur Shadecraft ? Mais, ouais. Bon, il y a eu un ventre mou. Hein. Ouais, ouais, voilà, ouais. On est d'accord. On est d'accord. Il y a eu le ventre mou, je l'ai ressenti aussi. Après, c'est vrai que ça se conclut bien, quand même. La conclusion. Ouais, mais... Moi, j'ai trouvé la conclusion facile. Oui. Hein, ça, c'est clair. voilà. Mais... Vu le ventre mou, si tu veux, quand j'ai vu cette fin, je me suis dit, bon, on a sauvé l'essentiel. Oui, mais je me dis que si, avec une vue à plus long terme, y a plein de choses qui auraient pu être développées dans ce premier arc qui n'ont pas été développées. Sa mère, son rôle, les liens qu'elle a avec la personne qui... alors c'est une agence gouvernementale, hein, je crois. Voilà, il y a plein de choses qui auraient pu être développées qui l'ont pas été et qui ont été remplacées par certaines séquences inutiles, anecdotiques, quoi. Je pense qu'ils étaient un peu le fessier entre deux chaises, sans trop savoir comment faire. Et en fait, alors je sais pas si la série fonctionne ou pas, parce que le mot qu'ils donnent à la fin dit que ils ont envie de revenir, mais ils savent pas quand. Donc c'est même pas sûr que ça revienne très tôt, quoi. Donc si ça reste juste comme ça, 5 épisodes, sympatoche quoi, mais pas vraiment enthousiasmé, trop de moments faibles pour moi. Si ça continue et qu'ils arrivent à redévelopper, on pourra dire que le départ aurait été un peu difficile, mais que ça peut faire une bonne série. Voilà, c'est un petit peu ce que... Puis après j'avais en tête Skyward, forcément, qui je trouve développait beaucoup plus de choses dès le début. Donc, mais bon, ça a sans doute pas été, voilà, ça a pas été fait dans les mêmes conditions, avec la même vision. Donc, un petit peu déçu quand même sur l'ensemble, même si la fin, voilà, la deuxième moitié, on va dire, de l'arc est quand même meilleure que la première. Mm-hmm. Et puis pour finir, alors, Geiger, c'est ça ? Oui, Geiger. Là, là aussi, je vais encore dire des trucs. Mais enfin. Geiger de Gary, comment s'appelle-t-il ? Geoff Jones, Gary Frank, Brad Anderson. Un petit auteur, c'est normal, tu connais pas. Bah ouais, non, je découvre moi. Je sais pas ce qu'il a fait ce gars. Pas grand-chose. Enfin, je me renseigne. Je me renseigne un petit peu. Ben j'ai trouvé le seul point négatif que je trouve, c'est que là aussi en termes de rythme, il y a des fois où c'était, il y a un ou deux épisodes qui étaient un peu plus mous et qui développaient pas autant de choses que les autres. Sinon, effectivement, l'univers est intéressant, les personnages sont vraiment bien travaillés. Gary Frank fait quand même un gros boulot graphiquement, hein, avec Brad Anderson, c'est quand même pas moche. Il y a rien à dire. Après, c'est pas un coup de cœur, moi. Voilà, parce que il y a, je sais plus quel épisode. Là, on en est moi j'en suis au 5 que j'ai lu. Oui, c'est ça. Sauf le 6, mais le 6, il vient tout juste de sortir. Oui, ça va. Je sais plus, il y a un épisode, je crois que c'est le 3 hein, peut-être, je vais dire une bêtise, mais bon. Il y a un épisode où j'avais trouvé que c'était un peu, il se passait pas grand-chose, quoi. C'était un petit peu mou. Et puis c'est vrai que des fois, il développe beaucoup l'univers, et des fois, il se concentre beaucoup sur les personnages. Je pense qu'il y a peut-être, de mon point de vue, un petit souci d'équilibre, on va dire, entre ces parties, qui font que, pour moi, c'est pas le coup de cœur que tu sembles visiblement avoir eu pour cette série. Je te laisse le défendre. Oui, j'adore. Défendre. Enfin, j'aime beaucoup Geiger. Oui, c'est clair. C'est une des meilleures séries Image du moment. Une des meilleures séries indé, je pense aussi. Après, oui, au niveau rythme, oui. C'est peut-être le point faible de cette série. C'est peut-être le rythme, oui. Moi, j'ai souvenir de l'épisode 2, celui où on a découvert Las Vegas. Oui, c'est peut-être ça. Ça aussi, ça m'a un peu surpris au début. Hein. Où je me suis dit, qu'est-ce qu'on fout là ? Bon, cet épisode était le moins rythmé des 5. Voilà, il y a des petits moments comme ça où tu dis... Oui, ok, c'est intéressant, c'est joli, mais qu'est-ce que tu veux me dire ? Ouais, voilà. Après, l'épisode 2, du coup, je l'ai apprécié a posteriori. J'étais content d'avoir un peu d'infos sur tout ça a posteriori, parce que c'est des choses qui prennent de l'ampleur, visiblement, dans la suite de la série. Donc, Voilà. Après, oui, en termes de. Le rythme serait, si on devait trouver un point faible à la série, ce serait le rythme. Ça serait pas la partie graphique, ça c'est clair. Ce serait, oui, sans doute le rythme. Après, moi, j'ai peur. J'ai peur de Geiger parce qu'ils sont en train d'en faire un truc tentaculaire là, avec tout ce qui a été annoncé, les nouvelles séries qu'ils prévoient autour de tout ça, et toute une timeline qui a été faite où ils vont aller faire des séries à différentes époques de cet univers-là, etc. J'ai peur qu'ils en fassent un peu trop et que ça devienne le Black Hammer de chez Image. Oui, et puis ça. Est-ce que ça en a réellement le. Enfin, de ce qu'on voit dans les cinq épisodes, là, est-ce que ça a réellement le potentiel de se développer de façon tentaculaire ? Effectivement, il y a un univers, mais qui reste quand même assez concentré, on va dire. Il y a beaucoup quand même de scènes, de séquences intimes basées là-dessus. Alors après, peut-être que la série pourra se lire très bien comme ça, et puis ils vont développer des choses totalement différentes. Mais... et que ça sera peut-être pas nécessaire d'aller voir. Mais oui, pas sûr. Pas sûr que ça soit forcément. Surtout si c'est scénarisé par d'autres personnes. Par expérience, on sait que c'est pas toujours une bonne pioche. Donc, oui, à voir. Moi, si je continue, enfin, a priori, je vais continuer. Je me contenterai de la série principale. Hein. J'irai pas voir ce qu'il y a autour. Hein. Je ne pense pas. Le petit bémol, voilà, c'est cette espèce de Geiger Universe qu'ils sont en train de faire, qui bon pourrait plus desservir la série qu'autre chose. Mais après, je comprends, hein, c'est un carton. On a toujours envie de plus. Hein. Oui. Après, je crois qu'il avait quand même initialement imaginé quelque chose d'un peu plus imposant quand même. Hein. Oui, bah, je pense que le père Geoff Jones ne nous créait pas comme ça un truc qui sort de nulle part et que... Oui, il avait déjà plus ou moins dans son invention, enfin, ou dans ses idées en tout cas, des choses qui étaient... beaucoup plus vaste que cette simple série telle qu'ils nous l'ont présentée. Mais bon, c'est le truc qui m'inquiète. En tout cas, moi, jusque-là, les cinq premiers épisodes, je suis totalement conquis, il n'y a aucun problème de ce côté-là. J'ai hâte d'avoir cet épisode 6 qui terminera le premier arc. Et voilà, je pense que ce sera, à n'en pas douter, un des gros cartons VF de 2022. Oui, c'est probable, oui. On peut miser sur un petit Delcourt peut-être. Je sais pas si c'était déjà annoncé. Cette fois, ça a été annoncé. J'ai pas fait attention à ça. Je sais pas. Il y a des trucs qui sont annoncés des fois. Souvent ils annoncent sur Facebook, sur les réseaux, et puis c'est pas leur site est pas toujours mis à jour. On sait pas trop. C'est pas toujours facile Delcourt de suivre ce qu'ils prévoient, ce qu'ils annoncent. Des fois ils annoncent des trucs super loin, et puis des fois deux mois après, on sait toujours pas ce qui va sortir. Donc je sais qu'ils ont annoncé Noctera de Scott Snyder pour 2022, mais bon, ça j'irai, je sais pas. C'est Scott Snyder, donc c'est pas mal, hein. Ouais. Bah là j'ai lu en VF American Vampire la première partie là. Vous allez avoir bientôt le où vous aurez eu, suivant la date de sortie du podcast, mon avis pas très positif, donc C'est vrai que moi, ça fait quand même très longtemps que j'ai pas lu du bon Scott Snyder. Hein. Le Undiscovered Country, le début était pas mal et la fin du premier tome commençait déjà un petit peu à me lasser. En VF, Delcourt, on n'entend pas parler du tome 2. Je crois que le tome 2 vient juste de sortir, peut-être en VO. Ça a pris tellement de retard cette série en VO que ouais. le deuxième arc est pas terminé depuis si longtemps que ça, je pense. S'il est terminé. Ouais, voilà. Donc à voir, mais c'est vrai que Scott Snyder, c'est un scénariste qui est quand même. Sur la longueur, moi, m'a beaucoup déçu. De mémoire, le catalogue de septembre, Previews, contient seulement le numéro 14. Ouais, d'accord. Je fonctionne sur ma mémoire, hein. Ça se trouve, c'est pas ça du tout. Ouais. Si, non, mais je crois que c'est ça, on est en dessous du 15. L'autre fois, j'ai vu ça aussi dans les sollicitations. Là. Donc, effectivement, c'est pas forcément étonnant que le tome 2 soit pas sorti en VF. Mais voilà, oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses... et qui ont été décevantes de sa part, donc à voir, à tester peut-être, mais bon, enfin là on a dérivé, parce qu'on était sur Geiger, mais... C'est pas très grave, on arrive de toute façon sur la fin de cette émission. Oui, on a fini notre petit tour des séries. Ouais, donc bah voilà, un bon cru quand même dans l'ensemble ce mois-ci, même si on a quelques bémols, hein, il faut quand même en parler aussi, hein. Nous ne sommes pas là que pour jeter des fleurs et nous enflammer surtout, et faire croire que tout est bon surtout, parce que ce n'est pas le cas. Après, il y a pas mal de... On est plutôt des personnes de bon goût qui évitons les mauvaises choses, mais voilà. Parfois, la vie tend des pièges. Ouais, et puis moi j'ai quand même une réputation à détruire quand même, celle du 10 sur 10. Donc, Ah, monsieur 10 sur 10, bah oui, je comprends. Mais il y a beaucoup de. Il y a aussi pas mal. J'ai fait pas mal d'articles sur des séries, des numéros 1 notamment, que je fais par écrit, donc vous pouvez jeter un œil. Il y a aussi d'autres très bonnes séries dont on n'a pas parlé là, parce que c'était pas dans l'actualité, on va dire, mais je pense à Vinyl ou au premier numéro de The Me You Love in the Dark qu'on a lu tous les deux, qu'on a pas oui, mal aimé. Oui, il y a pas mal de bonnes choses. Voilà, hein. On essaiera de varier. Le Superman de Tom Taylor aussi, que je garde pour une prochaine fois. Enfin, il y a quand même pas mal de trucs. On essaiera de parler un peu d'autres séries la prochaine fois, comme ça donnera un petit panorama un peu plus large. Tout à fait. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis pour ce 315e épisode. On se donne rendez-vous prochainement pour le numéro 316. D'ici là, portez-vous bien. Continuez à visiter notre version écrite, puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui s'y passent. Boris a choisi de ne pas dormir pour pouvoir vous proposer du contenu écrit de manière fréquente, donc allez-y, allez consulter tout ça. Je vais sans doute ralentir un petit peu là, je reprends mon activité professionnelle, et donc forcément, je ne vais pas pouvoir, va falloir que je dorme aussi. Donc, fini les vacances. Et fini les vacances, voilà. Mais bon, enfin allez, voilà. À très vite le numéro 316, et d'ici là, portez-vous bien et bonne lecture. À bientôt. À bientôt. We'll be right back.